20, 39, activation orale, passé composé et négation. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Moi, j'ai fait des maths. Et vous ajoutez ? Je n'ai pas aimé ça. À vous. 2. Si je comprends bien, tu as fait de l'histoire. Oui, mais je n'ai pas aimé ça. 3. Vous avez suivi le cours de zoologie, vous deux? Oh, nous n'avons pas aimé ça. 4. Ils ont suivi un cours de botanique. Oui, ils n'ont pas aimé ça. 5. Elle a fait de la trigonométrie. Elle n'a pas aimé ça.